Chapitre 36e, le capitaine Clavering fait sa dernière tentative. Ce fut Hughes qui le premier proposa à son frère Archie la partie de pêche en yacht. « Jack, lui dit-il, aura une cabine pour vous, et vous feriez bien de venir. Il va louer les hommes, moi je paierai les provisions et le vin aussi. Vous n'avez pas besoin de faire le dégoûté. » Archie était tout disposé à accepter la ration et le vin, d'autant plus qu'il prévoyait qu'on les lui ferait gagner par son travail. Mais la question était pour lui de savoir s'il n'avait pas mieux à faire que de partir pour une excursion de pêche. Il n'avait pas encore fait sa proposition formelle à Lady Ongar, et sachant bien qu'il n'y avait rien à espérer de l'espionne russe, il se demandait s'il ne ferait pas bien de tenter lui-même une démarche personnelle. Ses résolutions à cet endroit étaient toujours plus fermes après son dîner qu'avant et le soir que le matin, de sorte qu'il allait d'habitude se coucher avec la ferme intention de faire une visite le lendemain de bonne heure. Mais la distance agissait sur sa détermination, qui était beaucoup moins ferme lorsqu'il approchait de Bolton Street. Quand donc son frère lui parla de l'emmener, il se prit à penser au beau revenu et au parc de Lady Ongar avec vif regret, et hasarda une ou deux observations. « Il y a cette affaire de Julie qui n'est pas vidée, » lui dit-il. « Je croyais que c'était tombé à l'eau, » dit Hughes. « Oh, assurément non. Je ne lui ai pas encore fait la demande. Je le sais bien, et je ne crois pas que vous la fassiez jamais. » « Mais si, c'est mon intention. On m'a conseillé de ne pas trop me presser. J'ai cru devoir lui donner un peu de répit après ma première visite. »« Pour lui donner le temps de se remettre ?»« Non, pas précisément. Je ne suppose pas qu'elle en ait eu besoin. C'est aussi mon avis. Je crois, voyez-vous, que vous n'avez pas l'ombre de chance. Comme vous n'avez encore obtenu aucun résultat, il ne sert de rien de vous en occuper davantage. Vous ferez aussi bien d'y renoncer car elle veut épouser Harry. Mais non, je vous l'assure. » Pendant que vous pensiez, il agissait. D'après ce qu'on m'a dit, il n'aura que la peine de la demander. Mais il est fiancé à une autre jeune fille, dit Archie d'un ton indiquant l'horreur avec laquelle il aurait vu une pareille infidélité envers Florence Burton. Qu'est-ce que cela y fait? Vous n'allez pas croire qu'il va renoncer à 7 000 livres de rente parce qu'il a promis d'épouser cette petite fille. Si ses parents lui intentent un procès, il en sera quitte pour une légère indemnité et ce sera tout. Archie était fort mécontent de tout cela et s'entêtait dans ses projets matrimoniaux. Il lui semblait même qu'il avait un droit à l'argent de Lady Ongar, et qu'un mariage entre elle et son cousin était une monstrueuse injustice à son égard. « Puisque j'ai tant fait, je lui adresserai ma demande. Comme il vous plaira. Sans doute comme il me plaira. Mais quand on a commencé quelque chose, il faut en voir la fin. » Il pense alors aux 70 livres qu'il avait dépensés et qu'il ne pouvait retrouver que dans la poche de Lady Ongar. « Ainsi, vous ne voulez pas venir en Norvège ?» « Mais si elle m'accepte. Si elle vous accepte, vous ne viendrez pas. Cela va de soi. Mais si elle vous refuse, dans ce cas, je ferai tout aussi bien de vous accompagner. » Sur quoi, Sir Hughes annonça à Jack que Archie ferait partie de l'expédition et s'en alla à Clavering sans aucune appréhension à cet égard. Peu de jours après, eut lieu au club militaire un petit dîner en tête-à-tête où se trouvaient réunis Archie et son ami Boodle. En pareil cas, c'était toujours Archie qui payait la note. Ce n'était pas une affaire convenue d'avance, mais cela paraissait à chacun d'eux tout naturel. Boodle ne pouvait pas quitter la salle de billard plus tôt que d'habitude sans quelque compensation. Cela était dû à ses précieux conseils et des vins fins étaient aussi nécessaires pour stimuler son intelligence ainsi mise à contribution. Archie payait le tout et le lecteur ne doit pas croire que l'amitié de Boodle fut entièrement désintéressée. « Je suis bien décidé à faire demain ma demande, » dit Archie, regardant d'un air de méditation profond dans la rue à travers la fenêtre du club. « Peut-être que je me presse trop, mais il le faut. »« Mettez-lui la bride au cou, » répétait Boodle pour la 100e fois. « Depuis que j'ai deviné cette femme de Mount Street, j'ai compris que vous deviez faire vos affaires vous-même, si vous avez quelque envie de réussir. »« Vous vous êtes bravement conduit dans cette affaire, » dit Archie, qui comptait sur les encouragements de la part de son ami, proportionnés aux éloges que lui-même lui décernait. « Vous lui avez dit son fait. » « Ce sont là les missions auxquelles je suis propre, » dit Boodle d'un air d'intime satisfaction. « Mais quant à proposer à Lady Ongar de m'épouser, sur ma parole, c'est là une démarche que j'hésiterai à tenter moi-même. »« Je n'éprouve aucune appréhension de cette sorte, » dit Archie. « Vous avez plus de chance que moi, voyez-vous, » reprit Boodle. « Mais quant à moi, ce en quoi j'excelle, c'est une négociation délicate qui exige un tact diplomatique. Comptez-vous la voir demain ? Je l'espère. » Je partirai de bonne heure aussitôt après avoir lu les journaux et écrit quelques lettres. Je pense qu'elle me recevra. Quant à ce que dit Hughes au sujet de Harry Clavering, ce garçon-là ne peut pas jouer un pareil jeu. Qu'en dites-vous ? Vous voulez parler de son engagement avec sa fiancée ? Il l'a présentée à toute notre famille, comme s'ils eussent été sur le point de se marier. Si un homme se comporte de la sorte, quelle femme pourrait être sûre désormais de son fiancé ? Je me demande si elle l'aime, dit le rusé Boodle. Elle l'a aimé dans son jeune âge, mais cela ne prouve rien. Elle connaît sa position maintenant et songera à l'avenir. C'est mon fils qui possédera le domaine de Clavering et sera le baronnet. Vous voyez quelle corde cela fait pour mon arc. Le repas fini, Boodle se dit que ce serait le dernier où il s'occuperait de cette affaire. Le sujet avait perdu sa nouveauté et ce qu'il y gagnait ne suffisait pas pour l'intéresser davantage à la question. « Je serai ici demain à 4 heures, dit-il, en se levant pour retourner au fumoir, et alors nous saurons à quoi nous en tenir. Quel que doive être le résultat, il ne vaut pas la peine de faire traîner la chose plus longtemps. Demandez-lui demain son dernier mot et que cela finisse. » Archie répliqua que telle était sa manière de voir, et il partit pour se préparer dans le silence et la solitude à la besogne du lendemain. Le jour suivant, à 2 heures, Lady Ongar était seule dans son appartement de Bolton Street. Elle n'avait pas encore appris la maladie de Harry, ni son départ de Londres. Elle ne l'avait pas revu depuis le soir où il lui avait demandé d'être sa femme, et c'était là les derniers mots de lui qu'elle avait entendus. Elle lui avait, il est vrai, recommandé de rester fidèle à sa rivale, Florence Burton. Elle lui avait ainsi parlé malgré son amour pour lui, malgré l'amour qu'il avait pour elle. Il ne pouvait plus, lui avait-elle dit, devenir mari et femme, mais il n'avait pas souscrit à cette sentence. Elle ne pouvait lui écrire, ni lui faire des ouvertures, ni prendre aucun renseignement. Sans ami en qui elle put mettre sa confiance, elle ne pouvait qu'attendre qu'il vînt la trouver et lui dire qu'elle serait désormais son sort. Elle était à lire une lettre qu'on venait de lui remettre de la part de Sophie, son amie infatigable et affamée. Elle ne l'avait pas revue depuis le jour où elle s'était quittée à la gare, et cette séparation avait été faite dans des sentiments d'une inimitié qui paraissait devoir être éternelle. Dans son chagrin, elle se consolait d'avoir échappé à l'amitié de Sophie et n'éprouvait nul besoin de renouer des relations ainsi interrompues. Mais il n'en était pas de même pour l'affectueuse Sophie qui lui avait écrit la lettre suivante. Mount Street. Très chère et bien-aimée Julie, j'ai le cœur si triste que je ne puis me taire plus longtemps. Une amitié comme la nôtre doit-elle s'éteindre en un moment? Oh non, du moins pas dans mon cœur, qui est plein d'amour pour ma Julie. Et ma Julie ne se détournera pas de son ami qui lui a été si fidèle dans de telles circonstances, pour un mot de dépit ou pour une petite indiscrétion. Qu'était-ce que toute cette affaire au sujet de mon frère après tout? Ce n'est qu'un sot, et si vous le désirez, je ne lui parlerai de ma vie. Qu'est-ce qu'un frère pour moi, comparé à ma Julie? Rien, absolument. Je lui dis que nous allions dans cette île maudite et il s'arrange pour nous y suivre. Que pouvais-je y faire? Je ne pouvais pas l'enchaîner dans son club de Londres. C'est un homme difficile à enchaîner. Est-ce que j'ai jamais souhaité voir votre mari? Jamais. Pourquoi le souhaiterais-je? Si j'étais un homme, je vous souhaiterais pour épouse, mais je ne le suis pas. Pourquoi ne seriez-vous pas libre de choisir celui qui vous plaît? À votre place, avec votre beauté, votre argent, votre jeunesse, je voudrais avoir tous ceux que j'aimerais. Je sais du reste, car je ne l'ai pas vu, je sais que le jeune Clavering est celui qui a votre cœur et non pas l'autre, qui n'est qu'un sot. Mais son cousin n'est pas sot du tout. C'est un garçon d'esprit et un bel homme. Oui, cela est certain. Il est aussi beau que le jour. Eh bien, pourquoi ne serait-il pas votre époux? Quant à votre pauvre Sophie, elle ferait tout son possible pour aider l'ami qu'elle chérit tendrement. Vous savez qu'il a une fiancée, cette petite fille dont je vous ai parlé. Mais les petites filles n'ont pas toujours ce qu'elles désirent. C'est un charmant trompeur. Les hommes qui sont si beaux sont toujours des trompeurs. Mais il n'est pas nécessaire que vous soyez trompé, vous, avec votre argent, votre beauté, et ce que vous appelez votre rang. Non, je ne le crois pas. Et cette jeune fille devra se résigner, comme l'ont fait d'autres jeunes filles depuis que les hommes ont appris à mentir. Voilà mon avis. Et si vous le désirez, je puis vous être fort utile dans cette affaire. Ma chère Julie, pensez à tout cela. Et ne bannissez pas Sophie de votre présence. Je vous suis si dévoué que je ne puis vivre sans vous. Écrivez-moi un mot pour me permettre de vous voir, et j'irai vous trouver et tomber à vos genoux. En attendant, je suis votre très doué, amie Sophie. Lady Ongar, en recevant cette lettre, ne changea rien à ses intentions relativement à Madame Gordeloup. Elle savait à quoi s'en tenir sur l'affection de Sophie, et ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Néanmoins, le raisonnement de Sophie produisait son effet. Pourquoi elle, Lady Ongar, avec sa jeunesse, sa beauté, sa fortune et son rang, n'aura-t-elle pas la seule chose qui veut la rendre heureuse, surtout quand, tout en faisant son bonheur, elle pouvait rendre des services aussi signalés à celui qu'elle aimait? L'argent pour lequel elle s'était vendue n'avait guère contribué à son bonheur dans sa condition actuelle. À quoi lui servirait-il d'avoir un équipage et deux laquais de 6 pieds de haut? Un mot bienveillant d'un homme qu'elle pourrait aimer, d'une femme qu'elle pourrait estimer, vaudrait plus que tout cela. Elle était allée dans sa ravissante maison de campagne, comptant être heureuse en pensant que tout cela était à elle. Mais si amer et si profond avait été le désenchantement, qu'elle n'avait pu vivre plus longtemps à l'ombre des arbres qui lui appartenaient. Tous ses biens étaient pour elle sans saveur, parce qu'il lui manquait autre chose. Mais s'il pouvait lui offrir toute sa fortune, faire qu'elle fût entièrement à lui, ne trouverait-elle pas un charme inexprimable dans la pensée qu'elle l'avait enrichi? Elle se disait qu'elle ne pousserait pas cet homme à violer sa parole. Si en le faisant, elle ne croyait pas faire son bonheur à lui-même. N'était-il pas évident que Harry était un gentleman fait pour briller parmi les hommes titrés et à la mode, mais peu propre à s'enrichir par ses propres efforts? S'il épousait Florence Burton, il ferait son malheur et celui de Florence aussi. Elle, au contraire, pouvait lui donner tout ce qui lui manquait. Ongar Park, avec ses riches pâturages, ses chênes verts et ses troupeaux mugissants, était pour elle seule aussi désolée que la mer morte, mais avec lui, ce serait un vrai paradis. Pendant qu'elle faisait toutes ces réflexions, quelque chose lui disait intérieurement qu'elle n'avait aucun droit à l'amour et à la main de Harry. Mais encore, ne pouvait-elle s'empêcher de les désirer, bien qu'elle ne les eût pas mérités? Elle était encore assise, la lettre de Sophie à la main, quand on annonça le capitaine Clavering. Il avait mis son plus bel habit, mais il ne montrait pas pour la mission qu'il venait remplir l'aptitude dont il s'était vanté devant son ami. Lady Ongar devina en partie l'objet de sa visite. Elle avait compris, dès la première fois, que cette démarche n'était pas simplement un acte de civilité. Elle connaissait Archie depuis longtemps et savait que chez lui, l'éclat d'un habit neuf avait une signification. « Julie, dit-il aussitôt qu'il se fut assis, j'aime à croire que je vous trouve en parfaite santé. Je vais assez bien, merci. Vous avez été absent de Londres, je crois. » Elle lui dit qu'elle était allée passer 2 ou 3 jours à l'île de Wight. « Quand j'ai su que vous étiez parti, continua-t-il, j'ai craint que vous ne fussiez malade. Oh mon Dieu, non, ce n'était rien de semblable. J'en suis bien aise. » Et il se tut de nouveau. Il avait néanmoins, croyait-il, donné une expression particulière à ses demandes relatives à sa santé, et il se demandait comment il allait pousser sa pointe. « Avez-vous vu ma sœur dernièrement ? » lui dit-elle. « Non, elle est encore à Clavering. Je trouve très mal que Hughes continue à la laisser là-bas, tandis qu'il est à Londres. Ce n'est pas ainsi que je comprends le devoir d'un mari. Je suppose qu'elle le préfère ainsi. Oh, si cela lui plaît, c'est différent, » dit Archie. Après quoi il y eut une nouvelle pause. « Ne vous trouvez-vous pas un peu seule ici, quelquefois ?» lui demanda-t-il. Elle sentit qu'il valait mieux en finir avec promptitude et que cela ne finirait pas bientôt si elle ne l'aidait un peu. « Oui, dit-elle, je me sens bien seule, mais je suppose que c'est là le sort des veuves. »« Je ne vois pas pourquoi cela serait, » dit Archie vivement, « à moins que les veuves ne soient vieilles et laides. » Quand une femme devient veuve, après plusieurs années de mariage, elle tient à rester seule. Elle le préfère même, je crois. « Je l'ignore, mais moi je ne l'aime guère. Alors vous ne seriez pas fâché de changer. C'est un sujet bien délicat, capitaine Clavering, et que je ne crois pas à propos d'aborder en ce moment. Dans un an ou deux, peut-être, rentrerai-je dans le monde. C'est ce que font la plupart des veuves, à ce que je crois. « Mais j'avais une autre idée, » dit Archie, faisant un grand effort sur lui-même et paraissant évidemment mal à son aise. « Sur ma parole, j'avais une autre idée. Quelle était donc cette idée, capitaine ? Je pensais... Sans doute, vous savez, Julie, que depuis la mort du petit Hughes, je suis l'héritier présomptif. Pauvre enfant, vous êtes assurément trop généreux pour vous réjouir de sa mort, sans contredit. Aussi, quand on m'a voulu offrir un dîner pour fêter ma nouvelle chance, j'ai refusé nettement. Mais enfin, c'est là un fait, n'est-ce pas ? Un fait incontestable. Et la plus grande partie de la propriété est un bien substitué. Ce n'est pas que Hughes en eût jamais distrait un arpent. Il n'a jamais emprunté un shilling ou engagé un pouce de terre. C'est un homme fort prudent en matière d'intérêt. Nous le sommes tous deux. je puis me rendre ce témoignage à moi-même. Et maintenant, Julie, parlons peu et bien. Écoutez-moi. Si vous voulez me prendre tel que je suis, je veux bien être pendu si vous ne faites de moi l'homme le plus heureux de Londres. C'est là la vérité. Je vous ai toujours beaucoup aimé, bien que je ne vous en ai jamais rien dit, parce que, voyez-vous, parce qu'il ne sert de rien de proposer le mariage à une jeune fille quand on n'a pas de quoi se mettre en ménage, mais aujourd'hui, c'est différent. « Capitaine Clavering, dit-elle, je suis fâché que vous ayez pris la peine de faire cette démarche. Ne parlez pas de peine, c'est un plaisir. Mais ce que vous me proposez là ne saurait avoir lieu. Mais si, pourquoi pas, je ne suis pas pressé. Je vous attendrai tant que vous voudrez. Ne dites pas non sans y réfléchir un peu. C'est une de ces choses, capitaine, qui ne demande pas une bien longue réflexion. Un moment suffit. » Ah, vous dites cela parce que vous êtes un peu surprise. C'est vrai, je suis surprise, parce que nos rapports antérieurs ne me faisaient pas prévoir une pareille démarche de votre part. C'est que, voyez-vous, en ce temps-là, j'aurais cru mal faire de vous exprimer mes sentiments, dit Archie, qui se cramponnait à elle à mesure qu'il la sentait lui échapper. Eh bien, à présent, c'est la même chose. Écoutez-moi un instant, capitaine, de peur de vous méprendre. Croyez-moi, ce que vous me proposez est tout à fait impossible. Tout à fait. Elle prononça ce mot d'un ton qui l'impressionna vivement. Je ne puis, reprit-elle, dans aucun cas, devenir votre femme. Vous ferez bien de regarder cela comme définitif, afin de nous éviter à tous deux de nouveaux ennuis à ce sujet. Vous n'avez pas besoin de vous prononcer aussi catégoriquement. Mais si, et à moins que vous ne me promettiez de ne plus revenir sur ce sujet, je me verrai obligé, pour me protéger, de donner ordre à mes gens de vous fermer ma porte à l'avenir. J'en serai fâché, et j'espère que vous m'épargnerez la nécessité d'en venir là. Il comprit ce que cela voulait dire, et avant de se retirer, il lui fit la promesse qu'elle exigeait. « C'est bon, » lui dit-elle en lui tendant la main. « Nous pourrons nous séparer, bons amis. Je tiens à rester votre ami, » dit-il d'un ton mélancolique, et là-dessus il prit congé d'elle. Il s'estimait très heureux d'avoir le yacht de Jack Stewart et la partie de pêche en Norvège pour le consoler de sa déconvenue.